Aujourd'hui, nous allons diffuser un débat qui s'est déroulé le samedi 2 juin dans le cadre du FRAP, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. Ça s'est passé chez Martine dans le 20e arrondissement et le thème de la discussion était l'antipsychiatrie. Dans la deuxième partie que nous diffusons aujourd'hui, nous entendrons la lecture d'un texte sur la psychiatrie par un membre du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Mais avant cela, Jean-Pascal Michel, militant, est intervenu pour raconter son internement forcé dans un hôpital psychiatrique. Alors voilà, bon, moi je suis Jean-Pascal Michel, je suis militant environnemental et militant pour les droits humains. J'ai effectué le 26 mars dernier une action de contestation contre le déclassement d'une zone Natura 2000 sur ma commune, à Loupian, dans l'Hérault. Et cela m'a valu 10 jours d'internement psychiatrique. Voilà. Et c'est donc à partir de là où j'ai pris conscience un petit peu des dérives sécuritaires de certaines lois d'internement sous contrainte, notamment la loi du 5 juillet 2011. C'est là où effectivement un mouvement important de contestation et de soutien par rapport à ma situation s'est levé. Il n'y a pas eu moins de 5000 envois à la mairie de Loupian pour protester contre cet internement. Il y a eu 2 blocages de mairie successives suite à mon internement. Il y a eu, une mobilisation nationale, notamment celle de M. André Bitton à travers son association et d'autres. Et donc je vous en remercie tous de cette mobilisation de soutien face à la situation d'injustice que je vivais. Sur ce, j'ai quand même une capacité de résilience. Je ne me sens pas spécialement, handicapé par cet internement abusif. Et non, c'est vrai. J'ai quand même quelques cordes, de résilience, justement, préparatoire. Je suis un militant environnementaliste et anti-OGM, non-violent, enfin préparé à tout type d'action, de désobéissance, d'enfermement. J'ai quand même une possibilité, si vous voulez, de ne pas avoir eu à souffrir outre mesure de cette situation. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, vas-y. Je voulais revenir aux motifs qui ont conduit à ton internement. C'est-à-dire, il y a dans la région où tu milites, ça, c'est un espace qui s'appelle Natura 2000. C'est pas un espace, si tu veux, c'est un parc. C'est ce qu'on appelle, c'est un classement européen qui consiste justement à classer certaines zones. Sur notre commune, on avait, si tu veux, le Causse d'Aumla, qui était classable cette année. Il y avait les collines de l'Amour, pas de l'Amour, Amour, mais de l'Amour, qui sont des collines viticoles, et aussi des reposoirs à oiseaux qui avaient été proposés par le syndicat mixte, c'est-à-dire un regroupement de communes avec les services de l'État, au classement sur ma commune, et dont le conseil municipal a refusé le classement. Non seulement il a refusé le classement de ces zones, mais il a voulu déclasser une petite zone très sensible sur le bassin de Thau, qui est quand même une zone conchicole importante et zone sensible au niveau écologique. Conchicole, les huîtres. Ah. Les huîtres de Bouzigues, notamment. Et là, c'est là où, comme je savais que je n'avais absolument aucune façon d'intervenir sur le point de vue rationnel, intellectuel et, argumentaire avec ma mairie, parce que ça fait des années que je me bagarre en tant qu'environnementaliste et qu'on prend des coups, si tu veux, au niveau associatif. Vas-y. La non-classification de cette aire, ça, c'est un peu comme une ouverture à l'exploitation industrielle, en fait. On ne va pas dire ça les choses comme ça. En tout cas, c'est une fermeture à la classification, à la protection de l'environnement. Hein. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer par ces zones, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, soit de l'emprise de foncière, soit des projets immobiliers, on ne sait pas, TGV ou autre. Enfin, sur ce, c'est quand même très limité à l'heure actuelle du point de vue du développement du TGV dans cette zone. On l'a appris avec le changement de gouvernement, il n'y aura pas de TGV entre, normalement entre, entre Montpellier et Barcelone. Donc moi, sur cette action, j'avais donc demandé un communiqué de presse de la part du maire qui demandait à ce que soit revu ce déclassement. Sur cette petite zone, et c'est une petite zone de 7000 mètres carrés, ça ne représente pas grand-chose, hein, c'est une petite zone. Mais bon, par principe, j'avais demandé donc à ce maire de produire, de me produire un, comment dirais-je, le récépissé, un fax de l'envoi qu'il aurait eu fait à l'AFP, à l'agence France Presse, qui revenait sur sa décision de déclassement. Je m'attendais, bon, effectivement, peut-être un refus à une discussion. Or, il n'y a pas eu trop de discussion. Mon enchaînement a duré une paire d'heures, quand même, en mairie, avec une accumulation de forces de police incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, à 6 heures du soir, j'ai eu droit à 2 gendarmes. Ensuite, ils sont arrivés à 10. À 5 de plus, ça faisait 15. 10 pompiers... le personnel de mairie qui restait présent, enfin, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle de mairie, pour mon cas, qui n'était pas représentatif, je dirais, d'une menace terroriste. Hein. Et donc, mon déchaînement a posé problème aussi, techniquement, au service des pompiers, parce que j'étais quand même bien clavé sur une grille qui bloquait donc un puits dans un ancien château. L'ancien château, la mairie de Loupian est un ancien château seigneurial avec une réserve, avec une grille sur laquelle je m'étais enchaîné avec un cadenas étroitement serré, et ça posait un problème technique pour me désincarcérer. Donc ça a duré 3 heures. 3 heures pendant lesquelles j'ai pu argumenter un petit peu de ces problématiques, pendant lesquelles j'ai dû convaincre les gendarmes que j'étais pas un délinquant, que j'étais quand même quelqu'un qui avait quand même la tête sur les épaules, enfin bien qu'enchaîné, et que je m'attendais quand même à une solution rationnelle. Et ça n'a pas été le cas. Avec des gendarmes. Je fais de la pédagogie sur la non-violence, la désobéissance, etc. Il s'est avéré qu'à un moment, bon, quand les pompiers ont trouvé une solution pour me déloger en tronçonnant une barre de ferraille qui me reliait à mon cadenas que j'avais toujours autour du cou, ils m'ont assis sur une chaise. J'avais demandé à être menotté et ils ne m'ont pas menotté. Bon, je me dis, tiens, c'est bizarre. Ils m'ont assis, ils ont bu un coup, ils ont fêté la victoire. C'était marrant, il y avait tout ça. Ouais. Tu as demandé à être menotté. Je vais en garde à vue, je vais être menotté. Bon. Tu n'as pas eu de garde à vue. Et j'ai pas eu de garde à vue. C'est là où j'ai demandé au chef des gendarmes. Alors, qu'a dit le procureur ? Il me répond, et par rapport à la garde à vue, est-ce que vous me remettez dehors ? Est-ce que vous me mettez en garde à vue ? Il me dit, non, on vous a réservé autre chose. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu une réforme de la garde à vue en mai 2011 sur une QPC, du 31 juillet 2010 qui a censuré. Alors, il y a eu la QPC du 31 juillet 2010 qui a censuré, le Conseil constitutionnel a déclaré non constitutionnelle la garde à vue à la française parce que ne permettant pas l'introduction de l'avocat tout au long de la garde à vue. Il y a eu là-dessus des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, 2-3 arrêts de la Cour de cassation. La garde à vue, il a fallu la réformer, il a fallu introduire la possibilité d'un avocat tout au long de la garde à vue. Ce qui est le cas maintenant. Les parlementaires ont juste introduit une audition libre, mais libre de 4 heures maximum auparavant. La garde à vue est beaucoup trop corsetée. On place dans les gardes à vue psychiatriques. C'est pour ça. Exactement ça. C'est pour ça. Non, mais j'en suis conscient. Donc ça, je l'ai vu venir quand le médecin des pompiers a commencé à remplir un acte médical. J'ai dit, monsieur, vous êtes en train de psychiatriser, de médicaliser une action politique. Oui, donc il est revenu vers moi, il m'a dit « je m'excuse ». Je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'accepte ces excuses ? Et donc là, je savais que je partais non pas en garde à vue, je partais ailleurs. Je ne savais pas où je partais parce que ces personnes-là ne m'ont pas du tout averti soit de ma souffrance psychiatrique, si tant est que j'en avais une, ni du motif de mon transfert, ni vers où j'allais. Mais je savais que j'allais quelque part. Et j'ai donc été... ils m'ont demandé de me lever pour rejoindre le fourgon des pompiers. Et là, donc, j'ai agi par, par réflexe militant, c'est-à-dire que je ne me suis pas fait transporter, je me suis mis en sac à patates, c'est-à-dire je me suis laissé tomber. J'ai dit non, moi je ne marche pas vers mon échafaud, hein, boum, je me laisse faire. et là, ils m'ont attaché un brancard et ils m'ont conduit vers la Colombière, qui est le lieu de soins psychiatriques, le plus important de l'Hérault. C'est une énorme ville psychiatrique. Enfin, c'est un grand hôpital sur Montpellier, quoi. Alors, les menottes. Pas de menottes. Ah bon, j'étais attaché au brancard. Ah oui, voilà. Ouais. C'est déjà quelque chose. C'était juste pas mal. Alors, pendant ce transfert. Les pompiers me disent, ça va, monsieur Michel? Ah, je dis, comment voulez-vous que ça aille? Franchement, vous êtes en train de me transporter sous contrainte, attaché. Je dis, je veux pas me réjouir. Je suis pas dans une situation de réjouissance. Et puis voilà, j'arrive à la Colombière, hein, avec mon cadenas toujours autour du cou. Je vois les yeux effarés de l'infirmière qui me voit débarquer. Je commence à annoncer en disant, on vient de me priver de ma liberté sur le fondement d'une action militante écologiste. Je n'ai rien à faire dans vos services. Elle me dit, effectivement, je ne peux pas vous accepter en l'état. Ça me pose un problème. Est-ce qu'on peut... Elle voulait se débarrasser de moi. Puis il y avait une pression, effectivement, non pas gendarmesque, mais pompière. Ils ont convenu entre eux, je dirais, du modus de me désincarcérer par le biais de l'appareil de Montpellier. Il y avait une brigade de désincarcération avec la pompe hydraulique. Ils m'ont coupé mon cadenas. Bon, j'ai un peu contesté, gentiment. Je ne me suis pas opposé. Je l'ai fait, je me suis laissé faire. Ils m'ont placé dans une chambre en me disant, vous savez, on ne va pas vous mettre de médicaments, on ne va pas vous enlever vos ceintures et votre lacet, on ne va pas vous emmerder. C'est-à-dire que je n'étais pas considéré comme un patient. Bon, ben merci. Mais pratiquement, j'aurais dû sortir. Donc, dans la nuit, ils m'ont adjoint une personne en souffrance psychiatrique, vraiment une personne qui était... Dans la chambre. Et là, je suis sorti de cette chambre en disant, bon, écoutez, je suis désolé, moi, je suis aide-soignant, je sais ce que c'est que la douleur, je ne veux pas partager mon état de privé de liberté de façon avec une personne en souffrance. Je ne suis pas assimilable à cette personne. Je ne suis pas dans une discrimination de la souffrance de cette personne. Mais moi, je vais dormir dans le couloir. Donc, je suis allé dormir dans le couloir. Et c'est là où le lendemain matin, j'ai rencontré le fameux psychiatre Aguilar, chef de service un service d'admission. C'est un service d'admission, donc. Qui, me voyant dans le couloir, commence à me qualifier de ça en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais envie de dire, mais c'est un homme. Mais je ne l'ai pas dit, mais enfin, ça m'est brûlé les lèvres quand même. Il est donc intervenu pour entendre le premier patient arrivé dans la nuit, en l'occurrence mon pseudo-compagnon de chambre, dans la chambre qui m'était destinée notamment. Et donc, il l'a entendu. Et ensuite, il me demande d'intégrer cette chambre pour m'entendre. Et c'est là où je réponds à l'équipe soignante. Je ne suis pas un patient et vous n'êtes pas mon médecin. Et je n'ai pas de chambre. Je suis un militant privé de sa liberté d'action et incarcéré psychiatriquement contre son gré. C'est là où il me fait traîner effectivement par ses sbires, sur ordre, devant lui, dans cette chambre. Ils m'ont carrément pris... Combien? Ils m'ont traîné, ils m'ont jeté devant lui. Et là, je me suis relevé et j'ai dit, écoutez, moi, je suis un militant non violent. Je n'accepte pas d'être traité de la sorte. Je refuse toute communication. Je me suis tourné vers le mur de la chambre et j'ai refusé absolument de répondre à quelques questions que ce soit, notamment la question que me posait M. Aguilar ce jour-là, qui était, monsieur, êtes-vous un malade? Êtes-vous un fou ou un militant? Oui, ça pourrait. Donc, comme je ne répondais pas, il a prescrit. Il a dit, vous lui donnerez telle chose par voie orale, ou s'il ne veut pas, double dose d'aldol par voie injectable. Donc, double dose d'aldol. Et ils sont partis, moi aussi je suis parti. Je me suis remis dans le couloir. Et donc, on m'a présenté un verre avec des médicaments, j'ai refusé. Et il m'est arrivé un jeune homme en blouse blanche, blouse que je connais très bien, parce que moi, je suis moi-même aide-soignant, donc j'ai vu un collègue arriver avec une piqûre. Et là, je lui ai mis ma main sur la gueule. Je dis, écoute, non. Non, là, non. Et ils me sont tombés un 5 dessus. M'ont conduit en chambre d'isolement. M'ont contraint avec le genou sur la colonne vertébrale pour m'étouffer. Une procédure d'étouffement à 5. Et ils m'ont injecté l'aldol de force. Et je suis resté 3 jours ou 4. Vous étiez attaché sur le... Non, je n'étais pas attaché. Et je suis resté 3 jours en isolement, complètement déjanté dans ce service. À la suite de quoi, j'ai été transféré dans le service de Madame Bouillon. Quand j'ai rencontré Madame Bouillon, j'en ai un vague souvenir parce que j'étais effectivement déjanté. Elle me posait des questions, essayant de m'évaluer psychiatriquement. J'ai dit, Madame, je suis incapable de vous parler de façon digne parce que l'aldone occasionne chez moi des troubles de l'élocution. Donc moi, je n'ai pas envie de me mettre minable. Hein. D'abord, je suis patient de personne. Et donc, elle s'est retirée en disant, on va vous baisser votre dose. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, je pense que Sophie, ma compagne, était déjà en demande de me rencontrer. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que je sois plus présentable à ses yeux, il fallait mieux que je sois un peu désintoxiqué de ces médicaments. Donc, je suis resté une journée ou deux de plus dans le service, à l'isolement dans le service de Madame Bouillon. Et je suis sorti au bout du 10e jour. Voilà. Avec pas trop de troubles traumatiques du point de vue psychologique, mais je dirais une absence de souvenir des faits des 10 jours pendant lesquels j'ai subi cet internement psychiatrique. Avec, on l'a vu après, les effets secondaires de l'aldol, c'est-à-dire une décoordination corporelle des mouvements. J'avais eu du mal à marcher. Une dyskinésie. Et puis, des troubles sexuels. J'arrivais plus à bander ou à éjaculer, enfin des choses comme ça, quoi. Et donc, bon, j'ai récupéré petit à petit. Et puis, c'est un peu la fin de mon témoignage, un petit peu, si vous voulez, sur l'action... d'enchaînement de mairie et d'incarcération. Après, il y a eu toute cette histoire qui tourne autour de la mobilisation, qui a été remarquable, absolument remarquable, qui a fait en sorte que, effectivement, je ne suis pas resté plus de 10 jours, car je pouvais être parti pour au moins 15 jours jusqu'à la comparution devant le juge de détention des libertés, voire plus si ce même juge ne trouvait pas matière à me remettre en liberté. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. J'ai une chose à rajouter. La mobilisation dans votre affaire a eu cet intérêt éminent que nous sommes tombés d'accord avec un certain nombre d'organisations là, ces jours-ci, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat de la magistrature, pour monter à travers la France, sur la base des sections de la Ligue des droits de l'homme, un observatoire sur les pratiques psychiatriques à charge de relever les cas d'internement abusif, voire agir. Ça, c'est extraordinaire parce que ça faisait une vingtaine d'années qu'on était demandeur de... C'est très, très bien. D'autre part, je voulais vous dire, quel est le diagnostic qui est porté vous concernant au dossier? Absolument aucun diagnostic. Moi, je n'ai eu, enfin en tout cas, je n'ai eu aucune communication en ce sens. Moi-même, je n'avais pas d'agitation, si vous voulez, comportementale qui laissait entendre que je devais avoir à subir un traitement me calmant. J'étais donc dans mon comportement habituel de militant, c'est-à-dire désobéissant, non violent, calme. Et avenant, voire comique et je dirais ironique, et contestataire toujours. Et donc, on ne m'a pas signifié, si vous voulez, une pathologie particulière me concernant. L'affaire qui nous préoccupe ici, c'est la thérapie. C'est la thérapie. C'est la thérapie. Rappelez-vous, nous l'avons dit à maintes reprises, le temps passé en compagnie d'autrui a valeur thérapeutique. Alors que le temps passé à ruminer seul ne peut qu'accroître le sentiment d'être séparé des autres. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? affaire qui nous préoccupe ici. C'est la thérapie. Vous l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Alors vous voulez dire qu'il est anormal d'avoir envie d'être seul? Nous allons entendre la suite du débat sur l'antipsychiatrie qui s'est déroulé le samedi 2 juin dans le cadre du FRAP. Toi, de ton point de vue, de quelle intention ressort ce psychiatre qui te prescrit l'alcool? Parce que est-ce qu'il a été contacté par les gendarmes ou les pompiers pour agir ainsi, ou est-ce que c'est lui parce qu'il te voit par terre? J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a collusion, concertation, suivi punitif. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que mon comportement a été sanctionné. C'était une sanction de sa part. C'est pas du tout une estimation d'un soin apporté à une personne. C'était vraiment une façon de me briser. Il y a eu une volonté de me briser, j'en suis persuadé. Dans les termes, tu dis que tu es non-violent. Moi, je fais une distinction entre punition et sanction. Pour moi, là, ce n'est pas une sanction, dans la mesure où moi... Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord sur cette définition. Du point de vue pédagogique, la différence entre punition et sanction, c'est que la sanction est quelque chose qui est singulier en relation avec la situation, concerté avec la personne, et qui va lui permettre de faire tirer le son de l'erreur qu'il a produit. Voilà, en fait, qui est en fait un élément d'apprentissage, qui rentre dans l'apprentissage, alors que la punition, effectivement, est quelque chose... Donc c'est vraiment une punition. Mais donc, ça voudrait dire que le psychiatre a agi en punissant, alors qu'il n'avait aucune autre idée que le fait que tu étais couché par terre. Et que quand même, j'avais posé quelques paroles le soir quand même... Avec les équipes, j'ai eu un entretien avec la psychiatre la nuit et l'équipe de nuit en disant que je reformulais que je n'étais pas impatient, que je n'étais pas en demande de soins, que j'étais un activiste écologique qui était privé de sa liberté et qui n'avait rien à faire dans ces lieux. C'est pour ça qu'il m'a demandé si j'étais un fou ou un militant. Donc je n'ai pas répondu parce que j'ai trouvé que la brutalisation qui m'avait été ne pouvait plus, faire suite à un dialogue positif. Est-ce que vous avez été informé de vos voies de recours et de vos droits? Pas le jour, 3 jours après. Parce que ça me fait... Il y a d'abord le premier certificat là, du premier médecin, voilà. Hein. Ça me fait penser à l'histoire d'une copine, voilà. Parce que donc elle a fait un campement, etc. Ils arrivent, ils démolissent le campement, donc bon, par chance, on a pu récupérer un de ses gosses, sauf qu'il y avait l'autre qui était pris par... voilà, donc elle était forcément dans un état quand même d'anxiété tout à fait justifié. Et donc, elle est emmenée par les gendarmes chez un psychiatre, et le gendarme... machin, fait des signes au psychiatre et le psychiatre, mais non, pas du tout, cette femme est tout à fait... voilà. Donc, je veux dire, le fait qu'il joue le rôle que donc, les flics lui ont donné, là, je veux dire, je pense qu'il y a quand même un moyen de, au niveau juridique de dénoncer ce truc-là, déjà. Après, moi, je pense que par la suite, l'histoire d'envoyer justement un patient dans ta chambre, et puis après, justement, pour que tu sois obligé d'aller dehors, et après, je veux dire, te pousser, justement, à l'attitude que tu as eue, etc., c'est un truc, justement, pour avoir un prétexte... Enfin, moi, je pense que... Voilà, et le psychiatre, le matin, il avait des consignes. Enfin, voilà, donc... parce que j'arrête pas en ce moment. Si tu veux, ma situation a fait tâche, mon occupation de mairie, ce qui veut dire que après, sur d'autres, avec un autre collectif contre l'accaparement des terres agricoles dans la commune d'à côté, on a commis 3 occupations de mairie, mais là en collectif, et on a été entendu par les gendarmes. Et moi, il y a 2 jours, j'ai encore été entendu par les gendarmes pendant 2 heures sur une autre action. Et donc, effectivement, ça les emmerde. Moi, je les emmerde. Je les emmerde. Hein. Je suis un peu. Un petit peu quelqu'un qui, pour eux, je suis un peu le leadership un petit peu d'un mouvement contestataire sur le secteur. Donc ils ont, à mon avis, hein, c'est ça, après ils ont essayé de me calmer, si tu veux, et ça prend de toute façon d'autant plus d'ampleur que maintenant c'est incontrôlable cette affaire. Bon, il reste le travail à faire, parce que moi j'ai été plongé dans le milieu psychiatrique... À mon encontre, il y a un travail effectivement sur cette loi de contrainte, cette loi du 5 juillet 2005 qui fait partie des lois sécuritaires d'empilement avec la loi du prélèvement d'ADN et conneries machin, ça commence à bien faire. Moi, ça fait des années que je me bats contre le prélèvement d'ADN avec Benjamin de Seznac, que je suis faucheur d'OGM, que je passe devant les tribunaux. On n'arrête pas, si tu veux, d'avoir d'avoir des comparutions devant les tribunaux. Et par contre, c'est vrai que là, avant, on était criminalisé, et maintenant, je trouve qu'on est on risque d'être psychiatrisé si on continue, si les choses continuent dans ce sens-là. C'est un peu ça qui est sur lequel j'attire l'attention des militants, quoi, tout simplement. C'est cette possibilité de psychiatrisation de l'action militante, syndicale, politique, éventuellement. Donc, par rapport aux médicaments, c'est-à-dire si la personne n'est pas en état, parce que justement sous aldol, etc., d'abord savoir s'il y a toujours systématiquement des droits de visite avant les fameux 15 jours, et ensuite, est-ce que la personne qui est proche peut faire des démarches pour remplacer la personne qui ne serait pas en état, quoi. Là, je pense, pour vous répondre, c'est la question de la personne de confiance, hein, qui est très importante. Vous savez que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a légalisé dans le système sanitaire français la désignation possible d'une personne de confiance. Si une personne malade hospitalisée, en situation d'hospitalisation, doit pouvoir désigner une personne de confiance de son choix qui peut l'assister dans les décisions médicales et participer aux entretiens médicaux. Alors on se bat avec d'autres organisations, on se bat pour que le principe de la désignation obligatoire de la personne de confiance passe en psychiatrie et que de cette vulgarisation de la désignation de la personne de confiance dans les institutions psychiatriques, il puisse y avoir dans les établissements, au travers d'associations spécialisées ou à travers d'autres organismes, la possibilité de mobiliser une personne de permanence en faveur des droits des patients qui puisse être désignée comme personne de confiance. Et cette personne de confiance désignée par le patient doit pouvoir participer aux entretiens, doit pouvoir dire de façon pertinente au médecin, bah, tel traitement, ça ne va pas pour tel malade, le malade le conteste. Enfin bon, bref, il y a la question de la personne de confiance. Il y a l'autre question, une vieille revendication qui a été mise à jour il y a une vingtaine d'années par le réseau européen des usagers et survivants en psychiatrie et santé mentale, à laquelle on appartient d'ailleurs, c'est la question du testament psychiatrique. Ceux qui ont déjà connu la psychiatrie, ceux qui ont déjà connu les traitements psychiatriques savent très bien quel traitement ne leur va pas, quelle posologie ne leur va pas, et qu'est-ce qu'ils préfèrent avoir en cas de réinternement, et notamment en cas de crise, hein, je pense aux gens maniaco-dépressifs, en cas de crise maniaque par exemple, quel traitement ils préfèrent avoir plutôt que tel autre. On doit pouvoir obtenir en France, c'est tout un combat, c'est toute une bagarre, la légalisation du testament psychiatrique. Alors on a réfléchi avec les gens de Mais c'est un homme, on est passé par le biais des directives anticipées de la loi Leonetti sur la fin de vie. On peut utiliser les dispositions en place dans le code de la santé publique sur les directives anticipées, à savoir que une personne peut déposer devant notaire, devant avocat ou devant témoin ou à son hôpital de secteur un pli dans une période où elle va bien et où c'est attesté, un pli où elle dit « si je suis réhospitalisé, j'interdis que soit pratiqué sur moi tel traitement, telle modalité thérapeutique, je préfère telle modalité thérapeutique et vous êtes prié de suivre mes desiderata ». C'est un espèce de testament psychiatrique. C'est les Suisses et les Italiens qui, à l'époque, avaient dit cela, précisément dans l'optique ancienne d'il y a 20 ans, où comme on ne savait pas bien si on ressortait à l'époque des hôpitaux psy, si suite au traitement obligatoire, on ne savait pas bien si on n'en ressortait pas les pieds devant, les gens ont préféré parler à bon droit. Moi, j'étais militant du GI à l'époque. Les gens, à l'époque, il y a 20 ans, préféraient parler de testament. Ouais, c'était lourd de sens. Donc, si vous voulez, je termine là-dessus. En l'état actuel, il faut qu'on continue à se battre sur ces notions de personnes de confiance, de tiers de confiance qu'on puisse désigner et qui puissent rentrer là-dedans dans la prise en charge, de testament psychiatrique, enfin bref, de modalités pour que la parole du patient soit prise en compte. Parce qu'en l'état actuel de choses, les équipes ne prennent pas en compte la parole des patients. D'autre part, dans la loi du 5 juillet 2011, de par les jurisprudences antécédentes, a été introduite une notion qui est très importante et qui n'est pas mise en œuvre. L'autorité psychiatrique en face de vous, en face des patients, ont l'obligation de recueillir préalablement à l'exécution des mesures de contrainte l'avis, pas le consentement, l'avis des patients sur les mesures de contrainte qu'ils vont subir. Donc on doit... C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon de 2009, conforté par un arrêt du Conseil d'État de l'année dernière. On doit donc, avant l'exécution d'une mesure d'internement d'office, qui a été votre cas, on doit dire à la personne, il y a un arrêté d'HO qui est pris contre vous, de SDRE, on relève vos observations par écrit, vous pouvez vous faire assister d'un conseil, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette mesure? Ça n'a pas été fait. Non. Bon, eh bien, ça entache d'illégalité les décisions qui ont été prises. Et on doit se battre pour que ce recueil des observations préalables soit rendu effectif. Voilà, on a là une série de modalités, d'une part à rendre effectif parce qu'elles sont déjà inscrites dans la loi, d'autre part à faire valoir, mais c'est un champ de revendication. Un champ de revendication et un champ d'action juridique. En tout cas, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, dans l'affaire de Jean Pascal, il y a évidemment des nullités en série qui sont à soulever. Mais oui, à commencer par le diagnostic hein, au fond. Parce que bon, tu disais tout à l'heure quand tu étais sous Aldol, tu étais disjoncté quoi. Alors qu'avant tu étais en possession de tes moyens, etc. Et tout d'un coup tu es disjoncté. Alors c'est quand même paradoxal quoi. Et donc c'est vrai que le diagnostic qui mène à la prescription de médicaments, elle doit bien découler d'un diagnostic. Normalement, il y a des écrits, certainement. Donc, mon avocat a demandé le dossier médical attenant à cette hospitalisation sous contrainte. Mais moi, je n'ai été informé d'aucune pathologie me concernant, aucune pathologie psychiatrique. Et précédemment, je n'ai jamais eu recours... ni a été diagnostiqué, ni a été usagé de la psychiatrie à titre individuel pour une souffrance mentale quelconque. Hein. Donc, borderline. Ouais, j'ai border militantique, militant line. Attention, j'attire votre attention sur le fait que là, dans l'article 32.13.1 sur les hospitalisations sur décision du représentant de l'État, et qui avant c'était l'hospitalisation d'office provisoire, avant c'était le placement d'office, depuis le 19e siècle, le cas de trouble à l'ordre public, de danger imminent pour la sûreté des personnes et de trouble à l'ordre public est passible d'internement psychiatrique d'office. Oui, c'est pas récent. Pas forcément. Oui, mais bon, là, il y a eu un abus. Moi, j'estime que dans l'affaire de Jean Pascal, c'est la complexité accrue de la garde à vue qui a fait la chose. Voilà. Si la garde à vue ancienne avait été maintenue, n'avait pas été censurée, déclarée inconstitutionnelle, et s'il n'y avait pas une réforme avec complexification de la garde à vue, ce qui est le cas à l'heure actuelle... J'allais en garde à vue. Oui, vous aurez été en garde à vue, absolument. C'est ce qu'on dit d'ailleurs les gendarmes à ma compagne. Parce que j'avais prévenu ma compagne, ne m'attends pas pour dîner, je vais aller certainement en garde à vue. Donc elle est allée au jardin arroser ses trucs et c'est vrai que le lendemain matin donc le mardi à 10h elle appelle les gendarmes en disant bon ben ça en est où alors avec Jean-Pascal ah ben on l'a plus il est à la Colombière, il est en HP. Et pourquoi? Oh ben parce que ça nous regarde pas nous cette affaire là voilà, sinon j'allais en garde à vue. Mais les gendarmes sont très contents de se débarrasser, si vous voulez, de certains cas de garde à vue. Et la psychiatrie fait un relais justement sécuritaire aux affaires, peut voilà faire un relais sécuritaire et déchargeant de fait les procédures judiciaires des gendarmes. Voilà, c'est ainsi que et ça a été présenté à Sophie. Il est... Oh ben c'est pas de notre sort. Ils étaient là quand même, hein, 30. Hein, ils étaient à 30. Il y avait du monde. Ça, c'est incroyable. Et ils étaient 30, mais bon, allez, hop, en psychiatrie. Le biais psychiatrique est connu, puisqu'il n'y a pas de durée délimitée à l'internement psychiatrique. Le biais psychiatrique, l'internement psychiatrique est connu pour être un moyen, le moyen de faire prendre un maximum au niveau privation de liberté. Là, ça n'a été que 10 jours, ça aurait pu être 3 mois. Normalement, hein. Le garde à vue, c'est 4 heures, hein. Et là, c'est 10 jours. Non, c'est pas... Minimum 4 heures. C'est, l'audition libre est de 4 heures maximale. Après, c'est 24 heures reconductibles une fois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'insiste bien, hein, sur le traitement des troubles à l'ordre public, il est notoire, que c'est comme les déclarations d'irresponsabilité judiciaire, hein, il est notoire que le biais psychiatrique, pour des faits peu graves, ou de la petite délinquance, ou de la délinquance moyenne, peut être le moyen de faire prendre un maximum. C'est la logique hospitalière. Les praticiens des hôpitaux sont assujettis, sont des exécutants en matière de placement d'office, sont des exécutants des préfectures. Les directeurs des établissements étant eux-mêmes des exécutants des préfectures, ils sont dans cette discipline hiérarchique. On a reçu de la préfecture ou des mairies une hospitalisation provisoire une hospitalisation d'office provisoire ou un arrêté de PO ou un arrêté d'HO, on exécute, un point c'est tout, trouble à l'ordre public, on exécute et on médique. Soit la personne obtempère est un bon patient, auquel cas bon, bah, on se calme, soit le patient n'obtempère pas et est récalcitrant aux soins, auquel cas c'est le rouleau compresseur. Donc c'est la logique hospitalière. Le contexte européen, enfin le fait de la dernière constitution européenne, dans quelle mesure elle a aggravé aussi et ne pourrait pas permettre de recours par rapport à ça? Si je me souviens bien, on n'avait pas voté pour parce que justement sur les troubles, les émeutes, il y avait possibilité d'une décharge sans jugement de la part de la police. Donc je pense que qu'en est-il de votre point de vue? Bon, moi, à ma connaissance, hein, sur le biais psychiatrique, tout ce que je puis vous dire, c'est que la jurisprudence qui prévaut en Europe, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. De la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui peut être mise en concurrence par certains égards avec certaines jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, mais c'est pour les affaires interétatiques et les affaires d'entreprise. Mais à ma connaissance, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui évolue continuellement dans le sens d'une plus ample protection des droits fondamentaux des personnes dites malades mentales. Donc il y a de toutes les façons un mouvement continu de protection juridique au niveau de la jurisprudence de la Cour européenne, plus ample qu'avant du cas des personnes dites malades mentales. Alors c'est caractérisé notamment par un dernier grand arrêt qui a été pris par la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Stanev, en janvier 2012, pour un Bulgare qui avait été placé pendant 7 ans en foyer psychiatrique équivalent d'un hôpital psychiatrique qui avait été mis sous tutelle, une beaucoup plus grande attention au cas des personnes en situation de vulnérabilité, en situation de marginalité, en situation de tutelle ou de curatelle, avec donc des jurisprudences qui se tissent en faveur des droits des malades. Alors après, est-ce que les États obtempèrent ? Est-ce que l'accès aux droits est effectif et permet de recourir ? C'est toute la question. Tout ce que je sais, c'est que l'accumulation des recommandations des commissaires européens aux droits de l'homme, des visites d'inspection, dit à travers l'Europe que les autorités de contrôle veulent que les États portent une plus grande attention aux conditions de détention et de traitement involontaire des patients psychiatriques. Est-ce que c'est obtempéré ? C'est à nous de faire que ce soit obtempéré. Je pense que dans l'affaire de Jean Pascal, il faut se saisir de ce genre d'affaires pour dire à travers la France, on en a marre, on veut former une inter-organisation militante qui tienne le coup, qui permette de massifier ces problématiques, qui permette de donner de l'écho à chaque cas d'internement abusif, de sorte que ça cesse de passer dans la trappe, dans le silence. Parce que bon, moi je pense que la grande opportunité qu'on a avec votre affaire, c'est la médiatisation d'une part, et d'autre part la massification des recours. À savoir qu'en effet, si ce qu'on est en train de faire, de poser avec le syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l'homme, que toutes les sections de la Ligue des droits de l'homme centralisent sur leur ressort des réseaux d'observateurs qui leur signalent des cas d'internement abusif et des cas notamment d'abus sur les militants. Bon. Et que ces abus fassent l'objet d'un traitement systématique où on médiatise, on dénonce, on envoie des recours, on se mobilise, à ce moment-là, en France, la problématique de l'internement abusif va sortir de l'oubli. Je pense que sur déjà l'aspect qui, au plan juridique, peut être le plus fort et qui peut attirer les médias, déjà qu'on sorte de la trappe de l'oubli et de la trappe du silence médiatique, les problèmes d'internement abusif. Moi, je me rappelle encore, il y a 6-7 ans, où je médiatisais pour le compte du GIA des affaires d'internement abusif, où j'avais eu Éric Favreau de Libération, qui est un journaliste Mondano Caviar absolument éhonté, qui est le journaliste attitré du collectif des 39, qui m'avait rigolé au nez en me disant « Écoutez, vous nous emmerdez avec ces problèmes d'internement abusif, il y en a marre, allez vous faire foutre. » J'avais dû saisir sa rédaction d'une réaction outrée en disant « Écoutez, désignez-moi un autre interlocuteur qu'Éric Favreau, parce que franchement, il se fout de notre gueule. » Et c'était sur une affaire assez conséquente, une affaire d'une franco-noire africaine qui avait été internée abusivement en région parisienne, pour laquelle une condamnation indemnitaire est tombée finalement à quand même 25 000 euros pour cet internement. Quand on voit le silence, cette espèce de silence complice des médias sur ne serait-ce que la problématique de l'internement abusif, mais enfin, levons le silence. Pour lever le silence, je pense que le cas des militants est quand même assez probant, parce que ça permet justement de mobiliser ces réseaux. Donc il y a un silence effectivement de la presse, il y a aussi un silence politique à l'heure actuelle, et c'est vrai que là on vient de créer un comité, un comité contre l'utilisation politique de la psychiatrie suite à mon affaire, et on va essayer de saisir l'Association des maires de France, les mouvements politiques, pour justement la mise en lumière et l'abrogation de cette saloperie de loi du 5 juillet 2011. Voilà. Alors je tiens à préciser une autre chose, puisque là, on est dans une mouvance libertaire. Il faut que vous ayez conscience, les uns et les autres, que le billet psychiatrique est utilisé continuellement par les maires à travers le pays, puisque les maires à travers le pays, en dehors de Paris, les mesures d'hospitalisation provisoire d'office, provisoire, sont prises par les maires. À Paris, c'est les commissaires de police. Des maires, quand ils veulent dégager des opposants, dans les petites provinces, font jouer le biais psychiatrique. Alors on sait que, moi je vous l'indique à tout hasard, beaucoup de gens des mouvances anarchistes sont passés par la psychiatrie. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. La répression psychiatrique a sévi très nettement dans la contestation anarchiste. Je vous indique au passage que fut un temps, à un certain moment donné, dans certaines mairies socialistes, il était de mise pour des gens du genre Front National qui bougeaient un peu trop, de les mettre à l'égard par le biais psychiatrique, je vous signale également. C'est-à-dire que c'est pas l'utilisation psychiatrique, l'utilisation de l'internement psychiatrique par les maires, c'est pas spécialement orienté d'un pôle ou de l'autre. Hein. Mais bon, sachez que dans la mouvance qui est la vôtre, la répression psychiatrique, elle frappe. Et que donc, il faut qu'il y ait du côté de ceux qui sont impliqués politiquement une certaine prise de conscience. Dans les mouvances libertaires, l'internement psychiatrique frappe dur. Je ne crois pas que c'est de la paix et de la démocratie de dire tout ça, parce que en fait, la psychiatrie est un grand mal humain. Hein. Il ne s'agit pas de parler de salariés des policiers ou des infirmiers. Le problème dans la psychiatrie, c'est qu'on est fou quand on est à l'hôpital et pas dehors. Et le problème des politiques, c'est de juguler la population qui va dans les hôpitaux, qui sortent, qui sont fous dehors, qui sont fous à l'intérieur, qui tuent, qui assassinent, qui violent, pour en faire des emblématiques paperasseries. C'est de la paperasserie, la psychiatrie. C'est des papiers. C'est la sécurité sociale, c'est l'assistante sociale, c'est lui qui a dit merde à son voisin et ça lui a pas plu. Enfin, c'est politique et social. Donc on jugule, en fait, en faisant des dispositions comme ça, des assemblées, c'est très gentil. Mais la vérité, elle sort pas de la bouche des enfants. Hein. La vérité, c'est que dès qu'on limite la casse, comme moi depuis 12 ans, ben, y a des tracas de toute manière et des fracas dans la famille. Mais pour moi, la psychiatrie, ça n'existe pas. C'est nié, c'est anéanti. Il n'existe plus rien là-dedans. Sauf les fous enfermés pour des raisons, je pense, familiales, sociales et politiques. Vous avez raison d'invoquer le sujet des partis politiques. Mais en quelque sorte, je crois que la psychiatrie intervient comme limitation des dégâts et les mettre les gens en camisole ou etc. pour des raisons bien simples, c'est que la politique familiale n'a pas du tout d'incidence sur le malade. C'est-à-dire que de dire la vérité, aujourd'hui, malgré tout, on tue encore des sorcières. Vous voyez ce que je veux dire ? On assassine encore des sorcières, on les brûle. On assassine les vérités de chaque patient dans ce laps de temps qui est de cet écart de folie envers la communauté et cet écart du médecin qui, lui, pense que c'est un accident psychique, alors que pas du tout. Il faudrait le prendre dans ses bras, le pauvre enfant ou le pauvre adulte qui va mal, et puis lui faire un gros bisou, je sais pas quoi, parce que je pense que c'est aussi le fait de l'amour qu'il n'y a pas dans la famille qui a été nié, anéanti, qu'on met les gens à juguler dans les hôpitaux. Faut pas se leurrer, monsieur le médecin, je vous respecte, mais je pense que la psychiatrie, ça n'existe pas. C'est des paperasseries, quoi. C'est des CAF, c'est de l'argent de l'allocation familiale, c'est des gens qui font des enfants parce qu'ils ont eu le choix et qu'ils croient qu'ils vont être heureux avec des enfants alors qu'ils prennent plein de d'aldol et tout ça. Et c'est des politiques, des médecins qui se mettent comme des francs-maçons à juguler la population qui ne transige pas et, comme vous l'avez dit, qui n'obtempère pas. C'est ça la psychiatrie, parce que nous, on ne la voit pas, on est dehors. Bon, moi, j'étais là à l'armée, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais bon, je sais que c'est horrible pour certains candidats à ça, quoi. Donc, évaluez-vous quand même votre conscience, votre confiance en vous, c'est beaucoup mieux que de se faire enfermer. Parce que c'est bien beau des discours administratifs, protocolaires, mais ça ne résiste pas assez à la tangente. Suite à cette intervention, je vous précise que l'article 32.12.1 qui régissait avant l'hospitalisation la demande d'un tiers et qui régit les soins sur demande d'un tiers, c'est le grand régulateur des dysfonctionnements familiaux. La grande institution pourvoyeuse des institutions psychiatriques, c'est la famille. C'est la famille qui est la principale pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. Le pouvoir politique de la famille. L'incidence politique de la famille aussi, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. En ce moment, c'est politique, on le sait, mais il ne faut pas non plus engager conversation politique alors qu'on va tous voter je ne sais pas qui et qu'effectivement, les malades vont continuer à aller à l'hôpital. Donc, il ne s'agit pas de dire vive la gauche, vive la droite. Il s'agit de juguler la population qui ne tempère pas avec la société et les gens. Et donc, il faudrait faire une défense comme ça, à peu près comme une charte de la loi pour ne pas hospitaliser les gens. Je pense que c'est la conscience de soi-même qui est plus forte que le reste, quoi. always nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Nous allons entendre la suite du débat sur l'antipsychiatrie qui s'est déroulé le samedi 2 juin dans le cadre du FRAP. Voici maintenant la lecture d'un texte contre la psychiatrie par un membre du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. C'est un texte que j'ai écrit hier, hein, qui est lié à un projet totalitaire de traitement chimique. Hein. Moi je suis au CRPA, mais ce texte n'engage que moi. Chacun de vous à qui je m'adresse a fait sa propre expérience de la psychiatrie. On sait à quoi s'en tenir. Quant à son fonctionnement calqué sur le monde de l'entreprise, celui de l'exploitation des individus au mépris de leur sensibilité, celui de la soumission à des normes de rentabilité et de sécurité qui jouent contre nos libertés personnelles, celui qui nous interdit d'imaginer que d'autres mondes sont possibles. Aspirons donc à vouloir changer nos perceptions dans le temps vécu des privations d'espaces de liberté et à rectifier nos positions face à ce réel carcéran. Cette incroyable réalité truquée qui fonctionne en faux contre nos rêves et nos espoirs. Par la révolte, on trace un chemin de liberté de l'individuel au collectif. Oui, on sait à quoi s'en tenir. On l'a vomi, cette psychiatrie, elle et la société qui la génère, comme un corps étranger, dans lequel passent ces molécules, ces neurotiques puissants et ces antipsychotiques nouvelle génération qui nous détruisent par effet secondaire et peu à peu irréversibles, et qui un jour n'auront plus rien de thérapeutique, à l'instar de ces psychotropes dans la généalogie de notre carrière en psychiatrie, dans et hors institution. Ces médicaments que l'on a pu nous faire avaler très souvent, sans notre consentement, dans l'enfer du régime de foule de l'hospitalisation, hospitalisation ou internement pour d'autres, qui font comprendre à quel point on n'a aucune fonction sociale significative dans la société aux yeux des dominants, qui ne se sont jamais privés de nous faire enfermer par tout un code pénal, par tout un réseau coordonné de lois inhumaines traversées par un délire hyper sécuritaire, qui sont autant de mesures prises contre nos libertés individuelles, renforçant les leurs propres, tandis que dans la consommation des biens de production, on peut voir le sens caché, code barré, du vide des existences, sous les travestissements de l'exploitation des corps salariés. Or, il existe, se dessine un projet totalitaire de décérébration chimique qui ne sera ni plus ni moins qu'une extermination en règle de nos personnalités et de nos identités, de notre matériel génétique et de nos corps, par extension. CF, les recherches sur le décryptage du génome humain qui portent sur près de 26 000 gènes, ainsi que la recherche sur les paires de chromosomes pour dépister les maladies héréditaires. Mais également des expériences sont menées sur les organismes génétiquement modifiables, végétaux et animaux, alors que la cybernétique et les nanotechnologies connaissent un actif de suffisantes découvertes. Cela sans oublier que la science a pris du terrain par des expériences menées directement sur des êtres humains victimes des camps de concentration et d'extermination. À ces projets totalitaires et génocidaires, à ces solutions finales, on doit s'y opposer, car elles ne sortent pas de l'ordinaire, mais s'y inscrivent dans l'ordinaire le plus plat de nos vies et dans la défaite de nos pensées quand on abdique de l'intérieur. Quand il sera trop tard, on ne pourra pas dire que l'on ne savait pas. Or, nous fonctionnons dans un temps humain. Le pouvoir, lui, souvent occulte et parfois sacré, le pouvoir des religieux, travaille à ce que nous nous profanions nous-mêmes dans un quotidien dénué de sens, déconnecté de la violence des réalités sociales, quotidien indolent dans lequel, à long terme, l'émergence de l'esprit critique est condamnée. Cela tout en nous plongeant dans des croyances et des idées religieuses et commerciales qui nous coupent des vérités profondes que ces pouvoirs usurpateurs vont faire jouer contre nous en sacrifiant nos vies sur l'autel de la société de consommation, voire de consommation, qui est là. Liberté sauvage des marchés financiers qui déréglementent l'économie dans les enceintes carcérales, imposent leur diktat sur toute la planète et détruisent les systèmes de protection et de couverture sociale. Nous sommes des acteurs de l'histoire, ne l'oubliez jamais. Et si la société nous reconnaît malades, nous psychiatrisés, faisons de la maladie une arme politique, une grammaire et à nous, pour notre usage personnel, et ne nous laissons pas acheter par et pour nos pensions d'invalidité. Ce sont des miettes que l'on nous jette, et de toute manière, nos maladies sont rentables et nous sommes jetables. Quand par ailleurs, on ne peut faire taire la menace sourde qui gronde et qui s'exprime, par exemple, dans tout mouvement social, dont le traitement médiatique est orienté délibérément par toute la presse officielle. Elle est aux ordres des néolibéraux, des grands patrons, des manières de la presse et du système capitaliste, dont les hommes de paille et les chiens de garde endorment et dépolitisent les consciences, voire enferment et torturent les individus les plus opposés à leur politique d'abrutissement collectif, alors même que les populations civiles peuvent être jetées par peuples interposés dans des charniers des guerres, autres marchés de tout temps florissants pour les industries de l'armement et de la reconstruction. Donc ce projet totalitaire de décérébration chimique, rationnelle et autoritaire, dans l'esprit d'institutions qui nous mettent en situation, n'en est pas moins un vulgaire complot des politiciens, portés au pouvoir par nos suffrages. D'hommes dans l'État, sans culture et sans scrupules, tirant leur légitimité fallacieuse au moyen des élections dites démocratiques qui reposent sur la manipulation des peurs et des fantasmes des individus exploités avec parcimonie et force matraquage publicitaire, tout en laissant régner la confusion dans les esprits et en injecte tous les jours, imperceptiblement par des programmes de divertissement et autres jeux débiles, pour que l'ordre bourgeois se maintienne et ne souffre la lucidité et la contestation de tous ceux dont les intérêts et les vies sont pris en otage par les États terroristes, qui sont des voyoucraties ayant toutes les apparences d'une honorabilité des notables, d'une propreté, d'une transparence dans les affaires plus que douteuses. Et sachez bien que cette engeance politicienne, elle en a fait une profession de foi, est corrompue et corruptrice, à divers degrés certes, mais aussi elle a à sa disposition, quand la situation le lui commandera, pour maintenir ses profits, son confort conformiste, sa tranquillité et ses privilèges auxquels elle tient tant, oui, toute une armée de flics, de militaires, de gendarmes et toutes les milices de voyous inversés. Et ils n'hésiteront pas à se servir à plus grande échelle de la violence d'État. Le fascisme est une haine qui, en l'homme, est instrumentalisée tout comme les passions sportives, les opiums du peuple. Mais cette violence, qui est déjà l'œuvre sous des formes autres, est acceptée par la résignation, la fatalité et la soumission. Ce sont par exemple les inégalités sociales, le chômage, l'exclusion, les enfermements, tous les fichages et contrôles d'identité, la non-répartition équitable des richesses. C'est une machine à fabriquer la délinquance. Et ces fléaux, qu'encore une fois, sont le résultat logique des politiques étatiques centralisées qui favorisent la croissance, la compétition, l'essor et la reproduction du capital qui passe avant toute idée de l'homme et il est dénaturé de l'intérieur. Et ces politiques antisociales sont des bombes à retardement, autrement plus efficaces et insidieuses que celles des terroristes, entre guillemets, hein, dont les revendications sont toujours passées sous silence afin de taire, de ne pas ébruiter clairement la guerre économique que livrent les démocraties libérales aux pays de l'hémisphère sud, que l'on sous-développe économiquement par une guerre économique et sociale au moyen des grandes instances internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale du commerce et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Aussi, pour revenir à ce projet totalitaire concernant directement les psychiatrisés, on a affaire à de la sorcellerie capitaliste avec la complicité de scientifiques, le pouvoir politique, contingent au développement industriel capitaliste, veut tenter et réaliser des expériences hors de tout débat démocratique et hors de toute concertation sociale. Et ces conspirations mises en forme, nous en sommes, en serons les cobayes, les futures victimes de la vie qui passe. Car les jeunes qui rentreront dans l'enclave totalitaire se feront dévorer de l'intérieur par le monde sous cellophane de la psychiatrie vétérinaire, qui les envelopperont. Et comme des animaux inoffensifs, et je souhaite que non, ils seront les objets sacrificiels de la monstrueuse spéculation d'intérêts privés. Ils seront spéculés dans leur propre avenir. Je précise par extension l'avenir des puissants et des vieux riches qui trouveront peut-être une jeunesse retrouvée, volée. Ces apprentis sorciers, ces alchimistes scientistes planifient notre génie mental et trouveront peut-être leur élixir, la source de jouvence, et nous serons aveuglés de soleil vert, comme naguère l'État SS prélevé sur les cadavres de ses victimes sortant des chambres à gaz, l'or et les produits des corps. Je ne parle là pas de science-fiction, mais d'une science sans conscience et d'une force productive à rendement croissant au service du totalitaire, alors que chaque jour, le pouvoir des fictions, de la presse, des marchands d'armes nous subordonne à une actualité déconnectée des enjeux nous concernant directement, au détriment des prises de conscience et dans un réel appauvri où même la langue perd toute singularité, se renforce l'emprise du capital et des marchandises dans nos existences séparées. Et un peuple qui a peur est un peuple qui ne pense plus et dont l'action, la volonté consciente est paralysée et orientée, détournée vers les urnes. Les pouvoirs scientifiques, politiques et financiers jouent avec le feu et veulent nous le dérober pour nous faire plonger dans l'obscurité. Devant cette impasse inexorable, il est important de faire du bruit et de ne pas nous laisser dépouiller de notre feu intérieur, de notre principe vital. En parler pour comprendre et réfléchir, pour avoir des prises sur la réalité et faire front à cette société de consommation qui fait de nous des morts vivants poussant des caddies dans les supermarchés et qui n'a d'autre fin que l'extinction en masse des espèces végétales et animales, des océans, des mers et des forêts, au nom de la croissance. Ainsi, le vivant est privatisé et même les quatre éléments. Car oui, ils veulent les religieux du commerce, exploiter à l'infini tout ce qui a une valeur marchande. Du moins, tant qu'ils vivent, ils pomperont toutes les richesses. Vous voyez que tout cela pèse sur notre santé. Nos aliments sont infestés de produits toxiques et nous les consommons chaque jour. Il n'y a pas d'autre espoir ici-bas sur Terre que dans la lutte humaine et dans le combat contre ceux qui veulent notre peau et sont prêts à marcher sur nos cadavres pour arriver à leur fin et ils ne reculent devant rien. Les hôpitaux sont déjà des camps de concentration et les molécules à venir en seront dans le champ d'application de nos cerveaux, dits malades, les agents d'extermination de nos identités. Je n'exagère pas. On nous mène droit dans le mur. Courage, force et détermination. Ouais. Bravo. Ouais. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or, pas de trop reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du temps, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du temps, c'est le living, living, living, living room. Nous sommes tous nés, mon ami. Nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui. D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans le laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, non, non, non, faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du plan, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du plan, c'est le living, living. En troupeau ou bien tout seul, isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un as théopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire de vous faire passer l'envie des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis dans leur cuisine.